بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend aujourd'hui inshallah ta'ala cette série de cours concernant l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et donc on est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit والسمع والطاعة لأئمة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلاف واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Et donc parmi les fondements des gens de la sunna, parmi leurs fondements, il y a le fait d'écouter et d'obéir aux imams, donc les gouverneurs, ainsi que le prince des croyants, le calife, qu'il soit pieux ou transgresseur, et celui donc qui est chargé du khalifa et dont les gens sont autour de lui, les gens sont satisfaits de lui comme gouverneur, et même aussi celui qui a pris ce poste par la force. Il a pris ce poste par la force, il est devenu gouverneur par la force, jusqu'à ce que les gens l'appellent prince des croyants. Alors celui-là aussi, nous devons lui obéir. Et donc ici, l'imam Ahmed rahimahullah, il nous montre un fondement, une des caractéristiques des gens de la sunna, qu'on a déjà vu précédemment dans plusieurs cours, qui est le fait que nous devons obéir au gouverneur musulman, qu'il soit pieux ou pas. Qu'il soit pieux ou pas. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun » Il nous dit « Écoutez et obéissez. » Même si c'est un serviteur d'Abyssinie qui prend le pouvoir sur vous. Qu'est-ce qui est voulu ici, un serviteur d'Abyssinie? Un esclave d'Abyssinie. Et donc ici, cette personne a réuni deux caractéristiques qui font qu'elle n'a pas le droit d'être gouverneur. Première caractéristique, le fait que c'est un esclave. Un esclave, il n'a pas le droit. Deuxième, un esclave ne peut pas gouverner. Il est esclave. Et donc, deuxième caractéristique, c'est le fait que c'est quelqu'un qui vient d'Abyssinie. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà cité que le khalifa, le pouvoir dans la communauté musulmane, le khalifa, celui qui gère toute la communauté, se fait dans la communauté de Quraysh, se fait chez les gens de Quraysh. Et donc, vu que lui, il vient d'Abyssinie, il ne vient pas des gens de Quraysh. Et donc, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que même cette personne, qui, à la base, n'a pas les caractéristiques pour être leur khalifa, s'il prend ce poste par la force, il est venu par la force, il a pris le poste, nous devons lui obéir. Nous devons lui obéir. Ceci fait partie des fondements des gens de la sunna. Et c'est un sujet d'unanimité. Et ceux qui ont contredit cela sont les gens de l'innovation. Parmi les khawarij qui ont commencé à se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Déjà à l'époque de Othman, de Ali, radiallahu anhum. Et aujourd'hui nous avons encore d'autres khawarij parmi les frères musulmans et d'autres qui ne font qu'appeler les musulmans à se rebeller contre leur gouverneur. Et ceci est contraire à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. » Et donc les gens de la Sunna obéissent au gouverneur tant que celui-ci n'appelle pas à une désobéissance, à un péché. Mais si le gouverneur demande d'accomplir un péché, alors là, les gens de la Sunna, ils appliquent le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Il continue l'imam Ahmed rahimahullah et il dit والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. Il nous dit donc, et donc les batailles, et donc ici il parle des batailles, les batailles sont faites avec les gouverneurs, et ceci jusqu'au jour de la résurrection, que ceci soit pieux ou transgresseur. Ceci, barakallahu fikoum, est une réplique à qui? Une réplique à Daesh, Al-Qaïda, etc. et leurs frères qui sont avec eux. Tous ceux-là, là, qui prétendent faire un soi-disant djihad. Il faut leur expliquer que déjà, premièrement, ce sujet est un sujet d'armée. Et que le sujet d'armée dépend du gouverneur. C'est le gouverneur qui décide où il envoie son armée. Et ceci dans n'importe quel pays. Vous allez voir aujourd'hui, même en France, le gouverneur français, il envoie son armée où il a décidé. Dans le pays musulman, le gouverneur musulman envoie son armée où il a décidé. Mais ce ne sont pas les citoyens d'eux-mêmes qui prennent la décision ou qui font des petits groupes, etc., etc. Cela s'appelle du terrorisme, de l'extrémisme. Et cela est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on voit que ces gens-là, les khawarij, Daesh, etc., ils n'étudient pas les livres des pieux prédécesseurs. Ils n'étudient pas les livres des imams, tels que l'imam Ahmed. Ils n'étudient pas les écrits concernant les imams, les écrits de l'imam Ahmed, Malik, Al-Bukhari. S'ils avaient lu déjà ouvert Sahih al-Bukhari, ils auraient déjà vu des répliques, d'énormes répliques concernant leur pratique. D'où l'importance, barakallahu fikoum, d'apprendre. C'est important d'apprendre notre religion. Voilà la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Ensuite, il continue, l'imam Ahmed rahimahullah. Et il nous dit وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. Subhanallah. La répartition du butin. Ici, quand on parle de butin, ce n'est pas le butin de guerre. El-fey, c'est ce qu'on appelle el-fey dans la langue arabe, c'est tous les biens qui viennent des non-musulmans. Je donne un exemple. On a par exemple un non-musulman qui vit dans un pays musulman. Il meurt sans avoir d'héritier. Il n'a pas d'héritier. Et donc, ses biens vont dans le fonds communautaire. Ses biens reviennent à la communauté musulmane. La répartition de ces biens-là reviennent au gouverneur, c'est lui qui décide. L'application des sentences revient au gouverneur. Ce n'est pas à nous de décider, « Ah tiens, toi tu as volé, allez viens. Ah toi tu as fait ci, allez viens. » Non, c'est le gouverneur qui est responsable de cela, il nous dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Ça c'est la croyance des gens de la Sunna. Et nous n'avons pas le droit de critiquer le gouverneur en cela. Nous n'avons pas le droit de le critiquer en cela. Barakallahu fikoum. Et donc, il est bien d'apprendre. Aujourd'hui, on voit combien de personnes critiquent les gouverneurs. Notamment l'Arabie Saoudite. Les gens, c'est un jeu pour eux presque. Ah, t'as vu l'Arabie Saoudite? Ah, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ah, t'as vu le projet? Ah, t'as vu? Allez, ils propagent. Tu dis ça bien, Jama'a. Vous avez déjà étudié la croyance d'Al-Sunna wal-Jama'a concernant les gouverneurs? Hein? Concernant le fait de propager les péchés des gouverneurs? Ça, est-ce que tu, qu'est-ce qui est mieux? Quand tu vois que les gens, ils propagent des gens, des choses comme cela sur les gouverneurs musulmans, qu'est-ce qui est mieux? Que tu continues toi aussi à propager? Ou que tu invoques pour lui, oh Allah, pardonne aux gouverneurs musulmans. Oh Allah, accorde-leur la fermeté dans la pratique. Oh Allah, guide-les vers la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils appliquent ta religion. Oh Allah, qu'est-ce qui est mieux? Que tu invoques pour le gouverneur? Ou alors que tu partages ces messages? Et d'ailleurs, il est connu une parole d'un des pieux prédécesseurs qui disait « La okanet li da'watun mustajaba le ja'altuha fi sultan » Il disait, rahimahullah, « Si j'avais une invocation qui était exaucée, j'aurais invoqué pour le gouverneur. » Subhanallah, est-ce que c'est un adorateur du gouverneur? Est-ce que c'est un savant des gouverneurs, comme ils disent, les masters latines? Hein? Est-ce que c'est un savant du pétrole, comme ils disent? Non, il a compris un principe fondamental. C'est que le gouverneur, s'il est pieux, cela est bien pour tout le pays. Cela est bien pour tout le pays. Un gouverneur pieux, c'est bien pour tout le pays. Et donc, qu'est-ce qui est mieux? D'invoquer pour le gouverneur ou d'invoquer pour une personne, pour toi? Hein? Et donc, barakallahu fikum, n'oublions pas d'invoquer pour les gouverneurs musulmans. N'oublions pas d'invoquer pour eux. Afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide par leur cause un grand nombre de musulmans. Afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide par leur cause un grand nombre de musulmans. Il continue l'imam Ahmed, rahimahullah, et il nous dit « وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ مَنْ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا » Et donc il nous dit le fait de leur donner les sadaqats. C'est-à-dire qu'on a des sadaqats à donner. Il est connu donc, les gouverneurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient des responsables pour récupérer les sadaqats. Ce qui s'est passé, c'est que les khawarij ont commencé à critiquer cela et à dire qu'il ne faut pas donner les sadaqats aux gouverneurs. Non, il ne faut pas leur donner. Et donc ici, l'imam Ahmed rahimahullah réplique à cela. Il nous dit que oui, nous pouvons leur donner les sadaqats. Que cela est permis, que cela suffit concernant ton aumône obligatoire. Ton aumône obligatoire, tu viens d'un pays musulman, il y a le gouverneur qui ramasse, qui envoie des gens qui s'occupent de ramasser les aumônes obligatoires, tu peux leur donner, cela te suffit. Cela te suffit pour que tu aies ton aumône obligatoire qui soit valide. Aucun doute en cela, ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et ensuite, le gouverneur, il se chargera de redistribuer les aumônes aux nécessiteux. Il continue l'imam Ahmed rahimahullah concernant le sujet des gouverneurs et il dit « Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu ja'izatun baqiyatun tammatun rak'atayn » Le fait d'accomplir la prière du Jumu'ah derrière l'imam, ça veut dire que c'est lui qui dirige la prière. Ou alors derrière celui dont le gouverneur lui a confié la tâche d'accomplir la prière. L'imam Ahmed rahimahullah nous dit que cette prière est permise, hein, et que elle est complète, deux unités. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela, l'imam Ahmed? Pourquoi est-ce qu'il nous précise cela? On a l'impression que c'est clair, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'on peut prier derrière les imams des mosquées. Eh bien, sachez que la croyance des khawarij n'est pas comme telle. Nous avons un des revivificateurs du mouvement des Khawarij, un des fondateurs du groupe des frères musulmans, Sayyid Qutb, qui durant plusieurs années ne priait pas le Jumu'ah. Ne priait pas le Jumu'ah. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'imam musulman, selon lui. Il n'y avait pas d'imam musulman pour prier Jumu'ah derrière eux. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Et donc, l'imam Ahmed, rahimahullah, réplique à cela. Réplique à cette croyance erronée. Et donc, il dit, l'imam Ahmed, « Man a'adahuma fahuwa mubtadi'a. » Celui qui va faire ces deux prières et ensuite qui les refait, hein, parce que celui qui les refait, il pense que sa prière n'était pas valable. Et donc celui qui va prier le Jumu'ah avec tout le monde et ensuite il refait la prière du Jumu'ah, l'imam Ahmed nous dit celui-ci est un innovateur. Tarikun lil-athar. Il a délaissé les textes. Mukhalifun lis-sunnah. Il s'oppose à la sunnah. Laysa lahu min fadlil jumu'ati shay'un. Il n'a aucun démérite du vendredi. Idha lam yara as-salata khalfa al-a'imma man kanu barrim na man kanu barrihim wa fajirihim. Et donc cette personne n'a aucun démérite de la prière du vendredi si il ne voit pas qu'il peut prier derrière le gouverneur, qu'il soit pieux ou transgresseur. Fas-sunnatu bi an yusalliya ma'ahum rak'atayn wa yadina bi annaha tamma. Et donc la sunna est que l'individu prie derrière le gouverneur deux unités et qu'il ait la ferme croyance que ces deux unités sont complètes. La yakunu fi sadrika min zalika shak, et que tu n'aies dans ta poitrine concernant ce sujet aucun doute. N'aie aucun doute dans ta poitrine concernant ce sujet, car en réalité, les doutes dans ce sujet viennent des Khawarij. Cela ne vient pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouveras pas de textes qui vont dans ce sens. Et donc, Iyaka, fais très attention à suivre la voie, à suivre la voie de ceux qui ont dévié de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont dévié de la voie des gens de la sunna et du groupe. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue ce livre profitable la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Waffaq Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.